Un couple d'avares par Boileau. Dans la robe, on vantait son illustre maison. Il était plein d'esprit, de sens et de raison. Seulement, pour l'argent, un peu trop de faiblesse, de ses vertus lui ravalait la noblesse. Sa table, toutefois, sans superfluité, n'avait rien que d'honnête en sa frugalité. Chez lui, de bons chevaux, de pareille encolure, trouvaient dans l'écurie une pleine pâture, et du foin que leur bouche au râtelier laissait, de surcroît une mule encore se nourrissait. Mais cette soif de l'or qui le brûlait dans l'âme le fit enfin songer à choisir une femme, et l'honneur dans ce choix ne fut point regardé. Vers son triste penchant, son naturel guidé, le fit dans une avare et sordide famille chercher un monstre affreux sous l'habit d'une fille. Et sans trop s'enquérir d'où la lettre venait, il sut, ce fut assez, l'argent qu'on lui donnait. Rien ne le rebuta, ni sa vue éraillée, ni sa masse de chair bizarrement taillée. Et 300 000 francs avec elle obtenus, la firent à ses yeux plus belle que Vénus. Il l'épouse, et bientôt son hôtesse nouvelle, le prêchant lui fit voir qu'il était, au prix d'elle, un vrai dissipateur, un parfait débauché. Lui-même le sentit, reconnut son péché, se confessa prodigue, et plein de repentance, offrit sur ses habits de régler sa dépense. Aussitôt de chez eux, tout rôti disparut. Le pain bis renfermé d'une moitié décru. Les deux chevaux, la mule, au marché s'envolèrent. Deux grands laquais, à jeun, sur le soir s'en allèrent. De ces coquins déjà l'on se trouvait lassé, et pour n'en plus revoir le reste fut chassé. Deux servantes déjà, largement souffletées, avaient à coups de pied descendu les montées, et se voyant enfin hors de ce triste lieu, dans la rue, en avaient rendu grâce à Dieu. Un vieux valet restait, seul chéri de son maître, que toujours il servit et qu'il avait vu naître, et qui, de quelques sommes amassées au bon temps, vivait encore chez eux, parti à ses dépens. Sa vue embarrassait, et il fallut s'en défaire. Il fut de la maison chassé comme un corsaire. Voilà nos deux époux, sans balai, sans enfants, tout seuls dans leur logis, libres et triomphants. Alors, on ne mit plus de bornes à la lésine. On condamna la cave, on ferma la cuisine. Pour ne s'en point servir au plus rigoureux mois, dans le fond d'un grenier, on séquestra le bois. L'un et l'autre, dès lors, vécut à l'aventure, des présents calabrés de la magistrature, le mari quelquefois des plaideurs extorquait, ou de ce que la femme au voisin escroquait. 20 ans, j'ai vu ce couple uni d'un même vice, à tous les habitants montrer que l'avarice peut faire dans les biens trouver la pauvreté et nous réduire à pire que la mendicité. Des voleurs qui chez eux plein d'espérance entrèrent, de cette triste vie enfin les délivrèrent. Boileau.